Galates chapitre 2. Depuis je montai encore à Jérusalem 14 ans après, avec Barnabas, et je pris aussi avec moi Tite. Or j'y montai par révélation, et je conférai avec ceux de Jérusalem, touchant l'évangile que je prêche parmi les gentils, même en particulier avec ceux qui sont en Asie, afin qu'en quelque sorte je ne courusse, ou n'eusse couru en vain. Et même on n'obligea point Tite, qui était avec moi, à se faire circoncire, quoiqu'il fût grec. Et ce fut à cause des faux frères, qui s'étaient introduits dans l'église, et qui y étaient entrés secrètement, pour épier notre liberté, que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous ramener dans la servitude. Et nous ne leur avons point cédé par aucune sorte de soumission, non pas même un moment, afin que la vérité de l'Évangile demeure parmi vous. Et je ne suis en rien différent de ceux qui semblent être quelque chose, quels qu'ils aient été autrefois, Dieu n'ayant point d'égard à l'apparence extérieure de l'homme, car ceux qui sont en estime, ne m'ont rien communiqué de plus. Mais, au contraire, quand ils virent que la prédication de l'Évangile du prépuce m'était commise, comme celle de la circoncision l'était à Pierre. Car celui qui a opéré avec efficace par Pierre en la charge d'apôtre envers la circoncision, a aussi opéré avec efficace par moi envers les gentils. Jacques, dis-je, Cephas, et Jean, qui sont estimés être les colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions vers les gentils, et qu'ils allassent vers ceux de la circoncision. Nous recommandant seulement de nous souvenir des pauvres, ce que je me suis aussi efforcé de faire. Mais quand Pierre fut venu à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il méritait d'être repris. Car avant que quelques-uns fussent venus de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils, mais quand ceux-là furent venus, il s'en retira, et s'en sépara, craignant ceux qui étaient de la circoncision. Les autres Juifs usaient aussi de dissimulation comme lui, tellement que Barnabas lui-même se laissait entraîner par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas de droit pied selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, devant tous, « Si toi qui es juif, vis comme les gentils, et non pas comme les juifs, pourquoi contrains-tu les gentils à judaïser, nous qui sommes juifs de naissance, et non point pécheurs d'entre les gentils, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, nous, dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi en Christ, et non point par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Or, si en cherchant d'être justifié par Christ, nous sommes aussi trouvés pécheurs, Christ est-il pourtant ministre du péché, à Dieu ne plaise. Car si je rebâtissais les choses que j'ai renversées, je montrerais que j'ai été moi-même un prévaricateur. Mais par la loi je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort inutilement.